qu'il y a. À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. J'ai rien à perdre, tu comme Harry, j'ai à montrer mes secrets. Tu trouves les phrases terribles, c'est déjà elle. Maintenant tu sais qui c'est. Mais qui je suis, un par un jeune qui veut peur, tranquille. Quand le rap sera plus là, on se dira ouais, c'était bien, tant pis. De toute façon, aujourd'hui les MC partent en couille. Le rap devient trop plus, j'ai l'impression de vivre dans une cage aux poules. Ça devient hard car le rap ne fait plus du pop. Mais c'est terrible, comme avoir du PZK dans son iPod. Mes chances marchent sur une jambe comme un unijambiste. Et moi, comme un tronche court pour céder à ses caprices. On m'a dit, pour percer, faut avoir des contacts. Depuis le début de ma vie, ça tourne en rond comme une mine de compas. Le monde est sombre, et là je peux pas changer le contraste. Les jours, les mois se ressemblent, mais c'est maintenant ouais que je le constate. Je t'avertis, c'est pas la fin, alors accroche-toi. Mais méfie-toi, je suis comme un Hannibal, un conseil t'approche pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, je suis pas assez taré. Ma musique c'est de la merde, j'ai l'impression d'écrire dans mes WC. Je suis pas vexé, mais les remarques à force ça devient chiant. C'est comme essayer de gagner contre un muet au roi du silence. Je pourrais vous dire nique la France, mais j'habite ici. Faut partir d'ici, mais je suis perdu et je sais même plus qui suivre. Il faut un job quand j'en ai marre et je veux voir le monde. Je teste les patrons car j'ai une paire et ils aiment pas que je le montre. Aujourd'hui faut plus attendre pour voir des miracles. Que quand je suis bourré, que je vois Dieu dans un mirage. Moi je tournais, mais les problèmes m'attendent au virage. Me sens d'un vieil époque, j'ai l'impression de vivre dans le village. Je suis pas croyant, leur religion pour moi c'est des conneries. Le monde ne suffit pas pour avaler toutes leurs conneries. La musique c'est ma vie, c'est ma passion. Le comique ça s'apprend pas, elle va dire ça, rien de folie. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, je suis pas sympa du tout. Je dirai pas de samba, la musique bouge pas, mais je m'en bats les couilles. Ouais. Pour info, je suis pas là pour faire kiffer les gens. Je vois pas le bout du tunnel, ce serait peut-être mieux si elle ouvrait les jambes. Les gens diront que je suis encore un de ces jeunes insolents. Pas besoin de lâcher un nid ta mère pour faire des lyrics assommants. Moi j'ai sommeil, mais je suis entre rêve et cauchemar. Le rap indispensable, comme la binouze pour un clochard. Je veux réussir ma vie, mais apparemment c'est trop tard. Le street vient tout péter, c'est l'enfer comme une course de stop-car. Moi je perçais, ouais non, mais pas devenir une star. La vie c'est pas un jeu, quand tu meurs y'a pas de bouton star. J'ai plus rien à prouver, donc j'y vais tranquille. Si street te plaît, ouais t'as plus qu'à l'approuver. J'suis pas là pour gagner, hein. Mais n'oublie pas que l'homme est mort de la main de Dieu, ouais, sous un pommier. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde déconne. Regarde toutes ces blondes, bientôt on sera sur la planète des connes. Mais qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, maintenant le monde est rude. Bientôt on mourra d'un simple grippe ou d'un simple rhume. Ok, ok, ok, j'ai Mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a, ok, ok.